bien beau secret que l'on m'a donné en Mongolie. D'un jasmin, messager du paradis, ce jasmin savait parler. Dans l'ancien temps, un beau cavalier le donna à son amour qu'il quittait pour partir à l'armée. Jasmin se mit à parler, disant pour chacun de ses exploits. Le bonjour victorieux de son soldat à la fille qu'il aimait. Elle pleurait, mais parfois sourit à la voix pleine de mélancolie qui tombait de l'infini. Longtemps après, on lui dévoila qu'au moment de mourir, l'enfant soldat dit son nom puis sanglota. J'ai voulu qu'un modeste jasmin soit ce soir un envoi de lieux lointains.